إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue, بإذن الله, l'explication du livre أعلم السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. On s'arrêtait à la question numéro 179. Question numéro 179. Le dernier cours, on a parlé donc de tout ce qui est en relation avec Tamaim, c'est-à-dire en relation avec tout ce qu'on a accroché autour de cou et autres. Et donc on a détaillé la parole sur cela. Pour ce qui est d'aujourd'hui, à la question numéro 179, elle est en relation directe avec la question d'avant, bien entendu, lorsque le cheikh nous avait demandé quel est le statut des objets portés et pendentifs, tels que les amulettes, les cordes, les anneaux, les fils, les coquillages, etc. Dans la question suivante, il va nous dire le shir, il va nous parler pour ce qui est en rapport maintenant du Coran. Pour ce qui est donc du Coran. Fayaqul, ma hukm al-mu'allaq idha kana min al-Qur'an. C'est-à-dire, quel est le statut de l'objet accroché si c'est du Coran. Donc al-mu'allaq, tout ce qu'on va s'accrocher donc autour du cou, etc. Et qu'on va donc porter. Et dessus, il y aura donc des versets du Coran. Il y aura des versets du Coran, parce qu'on parle bien ici du Coran. Donc des versets du Coran qui seront écrits, qui sont raccrochés donc à nous, autour du cou, etc. Tout ce qui rentre dans At-Tamaim, etc., comme on l'a expliqué la dernière fois. Mais cette fois-ci, si c'est du Coran, c'est ça qui va, ou c'est la question qui va être posée. Fayaqul al-Shir, il va donc nous répondre ici. Il va nous dire Yurwa jawazu an ba'd al-salaf. وأكثرهم على منعي كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة ولئلا يتوسل بذلك إلى تعليق غيره ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والالتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمن. Le cheikh donc va nous dire qu'il y a deux avis parmi les salafs, celui qui vont dire que ceci est permis, c'est-à-dire donc de porter un objet ou une feuille ou etc. sur lequel il est écrit des versets du Coran, et ici التمائم, c'est-à-dire donc comme pendentif, et donc en se servant de cela afin de s'éloigner des mauvaises choses comme le haïn, etc. Taïb, donc il va nous dire, ici ça rentre pas dans le shirk, pourquoi? Parce que c'est les versets d'Allah Azzawajal. C'est quoi ici? Ce qui est raccroché, l'objet qui va être raccroché ici, c'est les versets d'Allah Azzawajal. Donc ça ne rentre pas dans le shirk. À la kulli hal, c'est pour ça que les savants sont divisés en deux catégories parmi les salafs. Et il nous a cité donc que la plupart des salafs, donc la majorité ici, c'était ceux qui disaient que ce n'était pas permis. Il nous a donc rappelé les noms, comme Abdullah ibn Ukaym, ou Abdullah ibn Amr, ou Abdullah ibn Mas'ud, ou Ashabu, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi, etc. Qu'Allah Azzawajal les aidait tous. Donc c'est l'avis de la plupart des salafs. Ici, ce qu'il a dit le shir, on va en tirer plusieurs choses. Dans un premier temps, il va nous dire wal aula, c'est-à-dire tout simplement que de par cette parole, on va comprendre annahu yurajjih al-qawl bil man'a, c'est-à-dire donc qu'il va lui pencher sur la parole qui voit l'interdiction, sur l'avis qui voit donc l'interdiction de porter un objet ici où il sera marqué des versets du Coran en tant que tamima. Tayyib. Ala kulli hal, le shir, une fois qu'il a donné son avis, il va en donner donc les preuves. Et on va voir ici qu'il va s'appuyer sur trois points fondamentaux pour appuyer ce qu'il a avancé. C'est-à-dire que ceci n'est pas permis de se raccrocher des versets du Coran. Dans un premier temps, il va nous dire ici que عموم النهي لا مخصص للعموم يعني عندنا عموم النهي ولا يوجد مخصص لعموم النهي. C'est-à-dire tout simplement qu'on a ici un nahi et qui est dit général, c'est-à-dire une interdiction qui va être dite générale et globale. On l'a vu dans les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam la semaine dernière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait donc de porter ce qui était raccroché. Comme dans ce hadith qui est général ici, dans le hadith من تعلق شيئا وكلا إليه, celui qui s'accroche quelque chose sera confié à elle. Et ici on va comprendre donc qu'il n'est pas permis de faire cela, et dans les autres également, les autres hadiths. Donc c'est dans ce sens que le shir il dit que les عموم النهي عن التعليق, donc التعليق, le fait de se raccrocher. Donc on voit que ce nahi est de façon générale. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths, il n'a pas fait de distinction. Il n'a pas fait de distinction entre ce qui est le Coran et ce qui n'est pas le Coran. Par rapport donc, ici on dit bien, par rapport donc au fait d'accrocher. Et donc par rapport à l'interdiction. Donc il dit bien par rapport ici à l'interdiction. Et bien entendu, il y a une différence entre le fait de se raccrocher du Coran et de se raccrocher à autre chose. On va rentrer ici dans ce qui est du shirk et ce qui n'est pas du shirk. Donc il y a bien une différence. Mais on est ici, min bab nahi. C'est pour ça qu'ils ont bien dit les savants, عموم النهي, ils ont parlé uniquement de l'interdiction. Donc il est interdit de s'accrocher quelque chose ici. Donc cette interdiction elle est globale. Et donc dans ce sens, on va comprendre que ça englobe le Coran et autre que le Coran. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici ما يخصص ذلك. Il n'y a pas ici ce qui est venu restreindre ce nahi qui est global. C'est-à-dire qu'il est venu faire une exception ou apporter une exception. Qui est venu apporter une exception. Par exemple, le hadith qui nous aurait permis ici de porter ce qui est du Coran. Donc ici, ça aurait été dans ce sens mukhassis, c'est-à-dire ça aurait été dans ce sens une exception. Cela donc aurait venu restreindre al-umum, ce qui est donc général par rapport aux autres hadiths. Et on n'a pas ça. Donc on reste sur la base. Et la base ici, c'est umum al-nahi, c'est donc l'interdiction qui a une portée donc globale et générale. Ça donc c'est la première preuve que va nous rapporter le shir, la première argumentation. Ensuite la deuxième argumentation, lorsqu'il a parlé de sadd al-dhari'a. Sadd al-dhari'a, c'est tout simplement donc de fermer les portes, que cela ne devienne pas un moyen de porter d'autres choses. Enam. C'est également une argumentation qui est forte. Parce que la personne ou les gens peuvent porter donc ce qui va être du Coran, et d'autres gens vont voir cela et vont dire il est également, Inch'Allah, il est également permis de porter ce qui est en dehors du Coran, etc. Donc on va ouvrir ici une porte à ce qui est interdit, c'est-à-dire donc, et même une porte, une grande porte, la porte du shirk, c'est-à-dire porter des choses qui ne sont pas du Coran. Et c'est souvent ce qui arrive. C'est souvent ce qui arrive chez les gens, malheureusement. C'est-à-dire qu'on commence par cela, à porter du Coran, et ensuite, les choses se répandent, et les gens, donc, vont aller encore plus loin. C'est-à-dire, donc, commencer à porter des choses qui ne sont pas du Coran. Donc, également, ça, c'est une argumentation qui est forte. Donc, dans ce sens, on va couper, lorsqu'on ne porte pas les choses où il est écrit les versets du Coran. On va donc ici couper les moyens. Et on va donc fermer la porte à ce qui n'est pas du Coran. La troisième argumentation, l'issoni al-Qur'an an ihanati. C'est-à-dire donc, le fait de protéger le Coran, de préserver le Coran de toute profanation. Enam. Parce que dans un premier temps, on va souvent porter cela, et dans la plupart des cas en état d'impureté. Également, peut-être la personne va rentrer dans les toilettes avec Et c'est sûr qu'à un moment ou l'autre, elle va oublier qu'il y a des versets du Coran, qu'elle porte des versets du Coran, etc. Tout ce que donc peut amener à cette profanation. Ayadan billah. Al-ihana. Donc également, ça c'est une argumentation qui est forte. Et une base ici qu'on va donner, lorsqu'on a dit qu'il y avait irtilaf, une barbe salaf, c'est-à-dire qu'il y avait une divergence entre certains des salafs pour ce qui est de cette question, il faut se rappeler une règle ici, qui nous est rappelée par Ibn al-Qayyim, fi alam al-muwaqqi'in, et qui nous rappelle Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, que s'il y a donc une divergence entre les salafs dans une question, fassawabu ala ma huwa aqrab ila dalil, ce qui va être le plus juste, c'est ce qui va être le plus proche de la preuve et de l'argumentation. Donc l'argumentation est la preuve la plus forte. Et on voit ici que lorsqu'on regarde les argumentations qui nous ont été données par le Shir, surtout sur ces trois argumentations fondamentales, on va s'apercevoir que non, c'est ce qui semble bien entendu le plus proche de la bonne réponse. Wallahu a'lam. Ça donc, c'est pour ce qui était de cette question. Lorsqu'on raccroche quelque chose, et dessus il est écrit des versets du Coran. Également, il rentre dedans lorsqu'on écrit des sifat, c'est-à-dire des attributs d'Allah ou des noms d'Allah, etc. Ensuite, le Shir, il va passer donc à une autre question qui est la suivante, qui est la question donc numéro 180. Et il va nous dire, Rahimahullah, ma hukm al-kuhan. Donc ici, quel est le statut de celui qu'on va appeler kahin, que l'on traduit par les devins. Donc kahin, le pluriel, kuhan. Donc les devins. Et pour ce qui est des devins, et cet acte qu'ils font, que l'on appelle al-kihana, que l'on appelle donc al-kihana, on va s'apercevoir que ici, après avoir parlé du sihr, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ces gens-là, les devins, et entre les sorciers. Et en réalité, lorsqu'on va parler donc des devins, lorsqu'on va parler également de ceux qui apprennent l'astrologie, les astrologues, etc., en réalité, on va s'apercevoir, beaucoup d'entre eux, ceux qui pratiquent ces choses-là, ils vont pratiquer le reste. Et que, de manière générale, tout cela va rentrer, fi anwa as-sihr, tout cela va rentrer en réalité dans les différentes formes que peut prendre le sihr, enam. Parce qu'en réalité, ils vont dans un premier temps avoir ce qu'on appelle un ta'fir, mais un ta'fir qui est batil. C'est-à-dire, ils vont ici provoquer un effet, et qui est un effet donc caché, comme on l'a vu par rapport à la définition du sihr. Mais bien sûr, cet effet-là, il est batil, c'est-à-dire qu'il est faux. Il est pris du faux, il reste donc dans le faux. Fil batil. Taïb. Donc de même pour ce qui est des al-kuhan, également pour ce qui est des astrologues, etc. De même également ces gens-là, la relation qu'il y a entre eux, c'est qu'ils vont céder des shayatin. Et pour ce qui est de al-kihana, donc l'acte de ce que l'on appelle les devins, un acte propre au shaytan et qui va totalement en contradiction avec la croyance et qui l'annule même, qui annule donc la croyance du tawhid totalement dans sa base. Et ceux donc qui vont faire cet acte là ils vont tomber dans le shirk, bien entendu, ils vont tomber donc dans le shirk. Si cela est en contradiction avec le tawhid et notre croyance, automatiquement le contraire, c'est le shirk. Et pourquoi ils vont tomber dans le shirk? Pourquoi? Parce que dans un premier temps, al-kihana, c'est iddia ilm al-ghayb, c'est ceux qui vont prétendre donc connaître l'invisible. C'est ceux qui vont prétendre connaître l'invisible. Et dans ce sens, ils vont rentrer donc dans le shirk. Pourquoi? Parce qu'on sait que celui qui va prétendre connaître le ghayb, ce qu'on appelle donc al-ghayb, ce qu'on appelle donc l'invisible, c'est automatiquement il est tombé dans le shirk. Ou quelle catégorie du shirk ici? Di'a ilm al-ghayb yunaqid tawhid al-rububiyya, pour être bien précis. Yunaqid al-tawhid bi sifat 'am, lakin bi sifat khassa tawhid al-rububiyya. C'est-à-dire donc qu'il va à l'encontre de l'unicité d'Allah Azzawajal dans sa souveraineté, dans sa seigneurie. Al-rububiyya. Donc on voit que sous cet aspect-là, la personne va à l'encontre du tawhid et tombe dans le shirk. Également, dans un autre aspect, يتقرب إلى غير الله عز وجل. C'est-à-dire qu'il va se rapprocher d'un autre qu'Allah عز وجل en obéissant et en faisant acte d'adoration pour un autre qu'Allah. Et ici donc الشياطين. Parce que comme on l'a vu pour ce qui était du sahir, pour ce qui était du sorcier, celui qui veut faire cela tomber donc dans la sorcellerie et qui va donc pour la plupart d'entre eux se rapprocher du shaytan, des shayatin, ils vont donc leur obéir, se rapprocher d'un autre qu'Allah Azzawajal. Et ici bien entendu c'est ils vont tomber dans le shirk et ça va à l'encontre de quoi? Du tawhid al-uluhiyya, ici du tawhid al-uluhiyya, donc de l'unicité d'Allah Azzawajal dans son adoration. Donc on voit sous ces deux angles, sous ces deux aspects, ils vont tomber dans le shirk, ayadan billah. Le shirk va nous dire الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم كما قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. Donc il va nous dire le shirk que les devins font partie de ce qu'on appelle donc الطواغيت, ce qu'on appelle les rebelles, que l'on traduit par les rebelles ou autres, tout ce que l'on adore donc en dehors d'Allah Azzawajal de façon générale. Et ils sont donc les alliés des djabs, Aulia Shayatin. Ils sont ces gens-là les alliés des djabs. Et c'est ceux qui les inspirent. C'est ceux qui les inspirent. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal dit « Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim » Et les djabs inspirent à leurs alliés. Inspirent ici. Yuhun. Donc on voit le shaykh nous a dit « Alladhina yuhuna ilayhim » Et dans le verset donc « Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim » Et les djabs inspirent leurs alliés. Il va nous dire également le shirk, ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السم فيكذبون معها مئة كذبة كما قال تعالى. Donc il va nous dire le shirk également qu'ils descendent sur eux, enam, qu'ils descendent sur eux, sur les devins. Donc les shayatin, ce sont eux qui descendent sur les devins. Ils vont donc leur jeter des paroles ou un mot qu'ils entendent du ciel. Et ça on va y revenir lorsque le shirk va nous rappeler le hadith qui est en rapport avec cela. Puis, ce qu'ils vont réussir à voler donc du ciel et entendre du ciel, ils vont y ajouter sans mensonge. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, et il va donc revenir à un verset du Coran qui nous prouve cela, qui nous prouve donc ce qu'ils font, ces shayatin, et ce qu'ils vont donc, à partir de là, proposer à qui? Aux devins qui eux se seront rapprochés d'eux. Ayadan billah. Et le verset c'est le suivant, Yaqul Allah Azza wa Jalla, هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Vous apprendrai-je sur qui les djabs descendent? هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. Vous apprendrai-je sur qui les djabs descendent? تنزل على كل أفاك أثيم. Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille. Cependant, la plupart d'entre eux sont menteurs. Et donc, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il va nous rappeler ici donc le shirk, wa qala sallallahu alayhi wa sallam fi hadith al-wahi, qui est bien entendu rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, et qui concerne donc comment ces shayatin, ils entendent des paroles venant donc du ciel. Et qui le حديث suivant. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعها مسترق السمع. Puis l'entend celui qui écoute furtivement. C'est-à-dire donc qui vont écouter أخبار السمع. Qui vont écouter donc les informations du ciel. ومسترق السمع أكذا بعضه فوق بعض. Et le prophète صلى الله عليه وسلم donc pour nous expliquer comment ils font. Ensuite, l'un transmet donc la parole qui est entendue à l'autre en dessous de lui. Et ainsi de suite. Donc ils sont les uns sur les autres. Et chacun va transmettre à l'autre la parole de ce qu'ils auront donc entendu du ciel, de ce haq. Ils vont entendre donc une vérité qui vient du ciel. On va voir ce qu'ils font ensuite. فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ. Chacun d'entre eux donc se rapporte la parole. حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ. Et donc jusqu'à que le dernier la lance sur la langue du sorcier ou du devin. Donc on voit également ici qu'il est nommé Al-Sahir et qu'il est nommé également Al-Kahin. Donc on voit bien la relation qu'il y a entre ces deux personnes. Et on voit bien donc ici pourquoi le shir il nous a donc parlé du statut de ces gens-là, après nous avoir parlé donc du statut des Sahara, du statut donc des sorciers. Et il nous dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après donc qu'ils l'ont entendu, فَرُبَّمَا دْرَكَهُ الشِّهَابِ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا. Il se peut donc que le bolide, donc la flamme, l'atteigne avant qu'il ne la lance. وَرُبَّمَا الْقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا. Et il se peut qu'il la lance avant qu'il ne l'atteigne. فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَ. Dans quel cas il rajoute 100 mensonges avec elle. Donc, il va lui dire ce qu'il a entendu comme haq, mais il va y rajouter à cette vérité 100 mensonges. Ayyadan billah. Et donc, ils vont rentrer dans ce verset du Coran, dans cette description qu'a fait Allah Azzawajal 2, lorsqu'il a dit ala kulli affakin athim, affakin athim. Il rentre dedans dans ce terme affakin athim, donc calomniateur, pêcheur. Il rentre dedans donc al-munajjim, l'astronome. Il rentre dedans également al-kahin. Il rentre dedans également al-sahir. Ayyadan billah. Donc qu'est-ce qu'on en conclut d'après ce que nous l'a dit le shir? C'est tout simplement que le kahin, c'est donc un kafir. C'est donc un kafir, c'est donc un mécréant. Ça, c'est son statut. Ça, c'est son statut. Pourquoi? Parce que lui est le kahin, automatiquement. Et dans tous les cas, pour qu'il sache donc ces choses de l'invisible, et on sait qu'il va donc y avoir autour de cela des mensonges, pour qu'il sache certaines choses de l'invisible, il va donc revenir au shayatin. Il va revenir donc au djab. Par contre, pour ce qui est du sahir, pour ce qui est du sorcier, comme nous l'avait dit le shir auparavant, pour bien qu'on fasse la distinction, il se peut que le sorcier, lui, dans certains cas, ou certains sorciers, on va dire, ils ne font pas ou ils ne prennent pas donc leur sir, c'est-à-dire donc leur sorcellerie, leur magie, des djab. Et à partir de là, il avait fait une différence, le shir, entre celui qui va être parmi les sorciers kafir et celui qui ne l'est pas. Donc on se rappelle ce qu'il avait dit le shir auparavant. Rahimallah. Par contre ici, pour ce qui est de Al-Kahin, automatiquement, parce qu'Al-Kahin c'est celui qui prend de l'invisible, et cette personne-là ne peut prendre cela, cette science donc, ou ce qu'il prétend prendre de l'invisible, comme on l'a vu donc, et quelle est donc la façon qu'ils prennent des shayatines, sans donc qu'ils prennent d'eux. Donc automatiquement c'est un kafir. Ici il n'y a pas deux cas. C'est un kafir, c'est donc un mécréant. C'est ça son hukm. Et donc la personne qui fait cela, qui pratique cela, sort de l'islam. Ensuite, à la question prochaine, il nous dit le shir, ma hukmu man saddaqa kahinan, ma hukmu man saddaqa kahinan. Donc il va nous parler ici de ceux qui vont voir les devins et de ceux qui croient à ce que disent les devins. Et on va voir ici ceux qui vont voir les devins et ceux qui croient à ce que disent les devins. On va voir par rapport, pourquoi on dit ça, par rapport donc au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les différentes versions. À la kulli hal ici, c'est ceux qui vont donc consulter ces gens-là, qui vont vers eux et qui prennent donc de ce qu'ils disent et qu'ils y croient. Ayyadan billah. Il va nous dire quel est donc leur statut à ces gens-là. Dans un premier temps, il va répondre en citant des versets du Coran directement. Le premier verset du Coran qu'il nous cite, c'est bien entendu des versets qui sont en rapport avec Al-Ghaib, l'invisible. Et on sait dans notre croyance que l'invisible, Al-Ghaib Al-Mutlaq, sachant qu'il y a deux sortes d'invisibles, Al-Ghaib Al-Nisbi ou Al-Ghaib Al-Mutlaq. Donc Al-Ghaib Al-Mutlaq, c'est l'invisible de façon générale. Et ça, seul Allah Azzawajal le sait. Pour ce qui est de Al-Ghaib Al-Nisbi, qui est en réalité un invisible mais qui est relatif, pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal lui-même l'a informé soit à ses anges ou soit l'a informé à ses prophètes. Donc il a informé certaines choses de l'invisible. Donc cet invisible là il devient en réalité nisbi, il devient donc relatif. Tayyib, ceci bien entendu lorsqu'on parle de Al-Ghaib et que seul Allah Azzawajal connaît Al-Ghaib, on parle bien de Al-Ghaib Al-Mutlaq. Et c'est ce qui va être ici cité dans les différents versets du Coran que le shir donc nous rappelle. C'est donc bel et bien le Ghaib Al-Mutlaq, que seul Allah Azzawajal connaît, que celui qui prétend connaître cela, il va tout simplement donc à l'encontre du Tawhid, et plus précisément, comme on l'a dit, Tawhid Al-Rububiyya. Et Allah Azzawajal, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Dis, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable, l'invisible, à part Allah. Sinon, Allah. Ça, c'est le premier verset. Donc, وجل استدلال, que seul Allah Azzawajal connaît الغيب, l'invisible, الغيب المطلق. Et que celui qui prétend cela, il va donc démentir le Coran. Il va donc démentir ce qu'Allah Azzawajal a dit. Et c'est donc un kafir. Également, il nous dit le shir, en nous rappelant ce verset, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. C'est lui qui détient les clés de l'invisible, de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît. Également un autre verset, أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Où détiennent-ils la science de l'invisible, donc l'invisible, et c'est de là qu'ils écrivent, c'est-à-dire donc entre parenthèses leur mensonge. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il blâme ceux qui prétendent cela. Également dans l'autre verset, أَعِنْدَوْ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى. Détient-il la science de l'invisible de sorte qu'il voit. Donc tout ça, bien entendu, c'est pour blâmer les gens qui prétendent connaître l'invisible. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et c'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Personne d'autre en dehors de lui ne connaît cela, subhanahu wa ta'ala. Donc celui, ma wa wajh al-istidlal ici, quel est donc l'aspect argumentatif de tout ce qui nous a cité comme verset du Coran, c'est que celui qui va voir un kahin et qui va croire en ce qu'il dit, automatiquement donc, il va lui aller en encontre de quoi? Des versets du Coran. Il va donc démentir le Coran pour aller croire ce que dit ce devin, alladhi yad'i. Et est-ce que cette personne est kafir ou pas? Ici, comme on le verra d'après le hadith, un des hadiths, il y a ikhtilaf des savants. À la kulli hal, on reviendra sur cette question. Ensuite, le shir va nous rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed wal Bayhaqi wal Hakim, et qui est un hadith authentique. Il est authentifié par Shir al-Albani, également par Shir Ahmed Shakir et d'autres savants encore du hadith. Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith, من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith authentique, quiconque se rend chez un voyant ou un devin puis qu'il croit à ce qu'il dit a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. On va s'apercevoir de deux choses. C'est que dans ce hadith, dans un premier temps, من أتى عرافا, ما هو العراف. Sans entrer dans les divergences qu'il y a eu dans la compréhension de ce terme, ou ce qu'il voulait dire, arrafan, beaucoup de savants, et parmi eux, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il va nous rappeler que al-arraf, c'est en réalité comme al-kahin. C'est comme al-kahin, qui ne font pas donc la différence entre eux. Pourquoi? Ou alors ceux qui vont faire la différence entre Al-Arraf, ils vont dire donc que lui il va prendre Al-Ghaib, ce Ghaib là d'autres manières. À la kulli hal, ce qui est commun entre eux, c'est que tous, que ce soit Al-Arraf ou que ce soit Al-Kahin, tous en réalité yadda'un ilm Al-Ghaib, c'est que tous ils prétendent donc connaître l'invisible et ils vont donc informer les gens de l'invisible, que ce soit donc des choses du futur qui vont arriver, ou alors informer d'une chose qui est donc perdue et que personne ne peut savoir où c'est sinon Allah Azzawajal, ou une chose qui est égarée que personne ne peut savoir sinon Allah Azzawajal. Ils vont donc céder des shayatines par rapport à cela pour retrouver ces choses là ou pour informer les gens du futur. Donc ici il y a deux choses ici, man ata, donc celui qui va venir auprès de celui qui est considéré donc comme devin, yani arrafan ou kahinan, fasaddaqahu. Et ensuite, il va donc croire en ce qu'il dit. Fasad daqaw. Donc la première chose, il vient, il le consulte, et ensuite il croit ce qu'il va le dire, ce qu'il va dire. Qu'est-ce qui va se passer? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la parole, elle est claire ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A mécru en ce qui était révélé à Muhammad. Donc une mécroyance en quoi? Ce qui était révélé à Muhammad. Et à partir de cela, il va y avoir donc une divergence par rapport aux savants. Est-ce que cette personne va sortir de l'islam, celle qui est venue voir Al-Kahin et qui a cru ce qu'elle a dit, ou est-ce qu'elle ne sort pas de l'islam? Donc certains savants ont dit que c'est du kufr akbar, et c'est une riwaya, c'est une des versions de l'imam Ahmed. Ils voient que c'est du kufr akbar, c'est-à-dire que la personne va sortir de l'islam. la personne va sortir de l'islam. C'est également une des paroles qui va être choisie, ou un avis qui va être choisi par certains des savants mu'assirs, comme Cheikh Fawzan et d'autres, qui voient donc que c'est bel et bien le kufr akbar ici. D'autres savants, et c'est également une des versions de l'imam Ahmed, que c'est du kufr asrar, c'est-à-dire que c'est de l'incroyance mineure, donc celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Et également une troisième ou un troisième avis des savants, c'est ceux qui vont dire que natawakkaf, c'est-à-dire donc qu'on ne donne pas d'avis par rapport à cela et qu'on laisse donc le texte comme il est. On va laisser donc le texte comme il est. C'est-à-dire qu'on va comprendre le texte comme il est, sans dire ce que c'est du kuf akbar ou du kuf asrar. Tawakkuf, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement s'arrêter au nas ici, sans yani faire un tarjih bain al-qawlan, c'est-à-dire sans faire donc prendre l'avis entre les deux paroles. Ça donc pour ce qui est du premier hadith. Ensuite, le deuxième hadith qui est lui rapporté par l'imam Muslim et l'imam Ahmed. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc un hadith bien entendu authentique, un hadith authentique. Yaqul man ata 'arrafan fa sa'alu 'an shay'in fa saddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Ici ce hadith, quiconque se rend vers un devin, vers un voyant, et lui demande quelque chose, puis le croit, aucune prière ne sera acceptée de lui durant 40 jours. Donc ici, on a également un autre hukm qui va être donné par rapport à celui qui va venir auprès de celui qu'on appelle Al-Arraf, donc, et qui va lui demander An-Shayin, qui va le demander donc à propos d'une chose. Pourquoi? Parce qu'ici ada am an shay'in, ada am, c'est donc global, une parole qui est ici globale. Fa saddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Et qui donc qui va le croire, sa prière ne sera pas acceptée durant 40 jours. Sa prière ne sera pas acceptée durant 40 jours. Et il faut savoir que dans la version de l'imam Muslim rahimahullah, dans la version de l'imam Muslim, il n'y a pas le terme fasaddaqahu. C'est-à-dire que le hadith, il n'est pas cité fasaddaqahu. C'est-à-dire donc man ata'arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salah. Yani mujarrad al-ityan, c'est-à-dire uniquement le fait qu'il va consulter ou qu'il va voir un devin ou un voyant, même sans même qu'il croit en ce qu'il dit, alors à ce moment-là, et de par cette version qui est rapportée par l'imam Muslim, on va comprendre, et comme nous l'ont expliqué les savants, on va comprendre donc que la personne, sa prière n'est pas acceptée durant donc 40 jours. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas acceptée? C'est-à-dire qu'il lui est bien entendu obligatoire qu'il prie, mais cette prière-là, la thawab, c'est-à-dire cette prière-là, elle n'aura aucune récompense, elle ne sera pas rétribuée auprès d'Allah Azzawajal. Donc il priera sans récompense. Ça c'est donc ce qu'on va comprendre du hadith. Donc celui qui vient, uniquement qui vient, il rentre également dedans. Et celui donc qui vient et qui croit, bien entendu a plus forte raison. A'yadam billah. Ensuite le shir rahimahullah, il va passer à la question 183, warfwan, celle d'avant 182. Il va nous demander ma hukm at-tanjim. Donc on va comprendre à partir de là qu'il va nous parler également d'une autre chose ici, et que l'on appelle donc l'astrologie, lorsqu'on dit at-tanjim, qui vient donc du terme najm. Et le najm, tout le monde sait que c'est l'étoile. Al-Nujum sont les étoiles. Donc c'est ce terme qui vient, qui est pris donc de ce mot-là, At-Tanjim, et qui est en réalité que l'on traduit par l'astrologie. Et vont donc nous dire Mahukm At-Tanjim. Ils vont donc nous demander le statut de l'astrologie. Quel est donc ce statut au niveau de l'islam? Bien entendu, c'est l'interdiction. Et c'est ce qu'on va voir à travers donc les versets et les hadiths qu'il va nous citer. Rahimahullah. Les savants vont dire que pour ce qui est du tanjim, c'est également, et ça entre également dans les catégories du sihr. Dans les catégories du sihr, c'est-à-dire donc de quoi? De la sorcellerie et de la magie. Et donc, à partir de là, on va comprendre que la personne également va revenir sur la question de al-ghayb, sur la question de l'invisible. Pourquoi? Parce qu'elle va revenir donc à des connaissances qu'elle prétend, pour donc ensuite interpréter des choses qui sont propres à l'invisible, comme les choses du futur qui vont arriver, etc. En se basant donc sur Al-Nujum, en se basant également sur Al-Kawakib, sur les planètes, etc. Donc on voit bien ici la relation qu'il y a entre Al-Sahir, la relation qu'il y a entre Al-Kahin ou Al-Arraf, etc. Donc on voit la relation qu'il y a entre ces gens-là. Même si chacun va avoir donc une spécificité. Mais que tout cela va rentrer également au Fissiyah. Pourquoi ? Parce qu'ils vont prétendre également ici avoir un effet. Et donc produire donc un effet. Et même si cet effet-là, bien entendu, est bâti, cet effet-là est comment ? Est faux. Et reste dans le faux. Il va nous dire donc le Shir, en répondant à cette question, il va dans un premier temps nous citer des versets du Coran. Et ces versets du Coran, ils vont nous expliquer Al-Nujum. Elles ont été créées pour trois choses. Donc la première chose, c'est ce qu'on va voir dans ce verset du Coran, c'est qu'elles ont été créées pour que les gens donc les prennent comme signe pour se diriger, que ce soit dans la mer, que ce soit dans le désert, durant la nuit, etc. Donc tout simplement pour se diriger. C'est pour ça qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha. Et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que par elles vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Donc la personne, lorsqu'elle voyage de nuit, qu'elle soit sur la terre, qu'elle soit en bateau sur la mer, comment elle se dirige? Elle se dirige donc en regardant les étoiles et en connaissant donc à partir de l'emplacement des étoiles où elle se dirige, que ce soit vers le nord, que ce soit vers le sud, dans quelle direction, etc. Donc ça a été la première, une des causes pour lesquelles Allah Azzawajal a créé ces Nujum. Également, ce que le Shir, lui, il ne cite pas ici, c'est-à-dire en rappelant des versets du Coran, ces Nujum, elles ont été créées pour chasser donc Ash-Shayatin. Pour chasser Ash-Shayatin. Enam. Et c'est pris donc du verset suivant. Pour Allah Azzawajal, nous y prenions place pour écouter, mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. Donc ça, c'était également donc un shihab, c'est donc ce bolide, cette étoile qui va donc venir chasser le diable lorsqu'il vient écouter donc aux portes du ciel, comme on l'a vu donc précédemment, comme ils le font et comme on l'a vu précédemment. Donc ils trouvent à ce moment-là quoi ? Ce qui vient les chasser. Et c'est donc l'un des buts de la création de ces Nujum. Et que l'on retrouve ici dans ce verset du Coran. Donc, Rujuman li shayatin. Afin donc de chasser qui ? Les diables. Également, et ça c'est la troisième et la dernière, Zinatun lissama. C'est tout simplement pour embellir donc le ciel. Et quiconque, la nuit, regarde donc ce ciel embelli d'étoiles, il va s'apercevoir que c'est réellement magnifique. Et c'était un des buts qu'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, bi hikmati al-baliha, de sa grande sagesse, il a créé donc ces Nujum. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans son verset, dans un des versets du Coran, Inna zayyanna as-sama ad-dunya bi zinati al-kawakib. Et dans un autre verset également, وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَا الدُّنْيَا بِمَصَابِحِ. Et donc, bien entendu, ce sont les Nujum et les planètes, etc. Donc, nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles. إِنَّا زَيَّنَّ السَّمَا الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ. Ça, donc, c'est les trois choses. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la parole qui nous est dit, donc, de Al-Qatada, rahimahullah, خَلَقَ اللَّهُ هَذِي النُّجُمْ لِلثَّلَاثِ زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. Donc cette parole de Qatada, et qui nous dit donc qu'Allah a créé les étoiles pour trois raisons, comme embellissement pour le ciel, lapidation des démons et point de repère. Alors celui qui interprète d'autres choses à leur sujet fait erreur, perd sa part et se charge de ce dont il n'a aucune science. Donc ici est Shahid. Qu'est-ce que l'on trouve ici dans cette parole et dans les versets auparavant? C'est qu'Allah a déjà uniquement créé ces Nujum pour ces trois choses, uniquement. Donc celui qui va les prendre pour moyen de connaître ce qui va arriver plus tard, cette personne-là les a pris pour une chose dont Allah Azzawajal n'a jamais légiféré. Ou alors qu'il va les prendre comme sabab, il va donc les prendre pour un sabab qu'Allah Azzawajal n'a jamais légiféré. Et il va rentrer dans la kulli hal fi shirk, que ce soit le shirk al-akbar ou al-asrar, comme on va ensuite détailler. Et c'est pour ça que le shir, lorsqu'il nous a dit également dans ce verset du Coran, وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ, donc les étoiles sont assujetties sous son ordre, donc elles sont soumises à Allah Azzawajal, elles sont assujetties à Allah Azzawajal, elles n'ont aucun pouvoir et elles ne sont d'aucun sabab. Pourquoi? Car Allah Azzawajal ne les a créées que pour ces trois choses uniquement. Et on va s'apercevoir ici, donc pour ce qui est de At-Tanjim, il y a thalathatu aqsam, il y a donc trois catégories. La première catégorie, c'est donc de croire qu'elles sont à l'origine même de ce qui advient dans l'univers, et que ce sont elles donc qui créent ce qu'on appelle le hawadith, tout ce qui va arriver dans l'univers. Et ça, bien entendu, hadha juhud al-khaliq, c'est donc nier le créateur subhanahu wa ta'ala. Cela, c'est i'tiqad as-sabi'a, c'est tout simplement la croyance des sabéens qui croyaient donc en cela, qui croyaient donc que les planètes, que les étoiles, etc., c'est elles qui créaient ce qui se passait donc sur l'univers. Donc ce qui advenait ou ce qui était dans l'au-delà avait pour but donc de créer ce qui était dans l'ici-bas, ayadan billah. Et c'est bien entendu ici du shirk al-akbar, du kufrun akbar, sarihun bil-jma', sans aucun doute. Ça, c'est la première catégorie. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est ceux donc qui vont croire qu'elle n'est qu'une cause, sababun li-ta'thir, qu'elle est donc d'une cause à effet. C'est-à-dire qu'ils vont croire, ces gens-là, qu'Allah Azzawajal, c'est bel et bien lui qui crée ce qui advient dans Al-Kawn. Mais eux, ils vont croire que c'est Al-Nujum, elles sont une cause de ce qui va arriver. Et ici, bien entendu, c'est du shirk également. Mais du shirkun asrar, c'est donc du polythéisme, ici qui va être mineur. Parce que tout simplement, ils ont cru que cela était une cause, alors qu'en réalité, ce n'est pas une cause. Donc ceux qui croient que la pluie va descendre à cause donc de la venue de cette planète ou de cette étoile, etc., ou alors que tel vent va advenir à cause de la venue de cette planète ou alors de cette Najm, etc., donc ils croient que c'est une cause, mais qui a la croyance que c'est Allah Azzawajal qui a bien créé ces choses qui vont arriver, le vent, la pluie, etc., celui-là, bien entendu, il est rentré fi tahrim, c'est bien entendu interdit. Il est rentré dans le shirk al-asrar, c'est-à-dire dans le polythéisme, ici qui est dit bien entendu mineur. Et ensuite, la troisième catégorie, al-istidlal biha 'ala al-hawadith al-mustaqbala, n'am, c'est tout simplement ceux qui vont l'utiliser comme preuve pour dire ce qui va arriver plus tard, pour dire ce qui va arriver plus tard. Et tout simplement sont donc ceux qui prétendent l'invisible, comme al-kihana, c'est-à-dire cela va revenir également dans l'acte des devins. Donc tous ceux qui vont revenir sur cela, qui vont dire du fait de la venue de cette Najm, de cette étoile-là, il va arriver cela et cela. Donc ils vont prédire l'avenir à partir donc de la venue de certaines étoiles, ou de l'apparition de certaines étoiles, etc. Ce qu'on appelle bien entendu l'astrologie. Ce qu'on connaît plus nous comme étant donc l'astrologie. Et bien entendu, ici également c'est du kufrun. C'est du kufr akbar. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans iddia'a ilm al-ghayb. C'est ce que font donc beaucoup d'astrologues, ayadan billah. Et donc la différence qu'il faut bien faire entre ce troisième catégorie et la deuxième catégorie, c'est que dans la deuxième catégorie, les gens disent qu'il est donc apparu la pluie à cause donc de cette Najm. Donc ils ont fait une relation entre, à titre d'exemple, l'apparition de la pluie et cette étoile. Ils n'ont pas donc prédit ici. Ils n'ont pas prédit donc ce qui allait arriver. Donc on voit qu'il y a bel et bien trois catégories dans ce qui rentre dans l'astrologie. Et que tout cela, bien entendu, est même nour, haram, que c'est strictement interdit. Ce qui est uniquement permis et qui va donc revenir à al-qamar, c'est-à-dire connaître al-hisab, connaître donc par rapport au mois, connaître également à quel moment il est préférable, à titre d'exemple, de planter certaines graines et de revenir par rapport à cela, un azil al-qamar, donc de faire un hisab par rapport à cela, chez beaucoup de gens de science, c'est permis. donc de faire des calculs par rapport à ce qu'on appelle manazil al-qamar, donc les différentes positions, suivant les différentes positions de quoi ? De la lune. Tayyib. Donc ça, ça ne rentre pas dans ce qui est haram et interdit. Également, le shir nous a cité des hadiths. Parmi les hadiths qu'il nous a cité, celui-là. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, ou Abu Daoud, ou Ibn Majah, ou Al-Bayhaqi. C'est un hadith qui est authentifié par Shir al-Albani. Et également Ahmed Shakir, rahmatullah ala al-jami'a. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد من اقتبس يعني من تعلم. Donc celui qui acquiert une connaissance des étoiles, ici donc l'astrologie. من اقتبس شعبة من النجوم, الشعبة bien entendu c'est une branche, comme on dit شعبة الإيمان, donc une branche ou des branches de la foi. Man iqtabasa shu'batan min an-nujum. Donc ici ilm an-nujum bima'na donc at-tanjim bima'na l'astrologie. Man iqtabasa shu'batan min an-nujum faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr. Donc celui qui acquiert une connaissance des étoiles, l'astrologie, acquiert en effet une branche de sorcellerie. Donc on voit la relation ici qu'il y a entre l'astrologie et la sorcellerie. C'est-à-dire que le sihr va être général et il va rentrer donc dedans également at-tanjim. Il va rentrer donc dedans at-tanjim du fait que les personnes vont croire ici en quoi ? Ils vont croire donc en l'effet qu'ont ces nujum, comme ceux qui ont cru en l'effet qu'a le sihr et qui l'ont donc utilisé dans ce sens, et que tout cela bien entendu revient et relate donc du faux al-batil, et également donc du fait que va rentrer dans la sorcellerie ceux qui yadda'un al-ghayb, comme al-kuhan, comme al-arraf, et comme on l'a vu, ashab al-tanjim, donc qui prennent cela pour pouvoir donc prédire l'avenir. Et il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, zada ma zada, c'est-à-dire donc que mieux il va augmenter pour ce qui est de la sorcellerie, et mieux il va augmenter donc pour ce qui est donc de l'astrologie, et vice-versa. Donc bien entendu c'est ici en corrélation entre ces deux choses, at-tanjim wa as-sihr, ayadan billah. Et également un autre hadith qui va nous citer le shir, qui est un hadith lui da'if, qui n'est pas authentique, mais dont le contenu est pris en compte, le contenu donc qui est valable. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama akhafu ala ummati at-tasdiqu bin nujum, at-tasdiqu bin nujum wattakdhib bil qadar, wattakdhib bil qadar wa hayf al a'imma, yani al jawr al a'imma wa dhulm al a'imma. Je crains en effet pour ma communauté la croyance à l'astrologie. Je crains en effet pour ma communauté la croyance à l'astrologie. Donc ceux qui vont tomber dans l'astrologie parmi les musulmans, le démenti du destin et l'injustice des dirigeants, et l'injustice des dirigeants. Il va nous rappeler une parole d'Ibn Abbas et qui est bien entendu authentique. Wa qala Ibn Abbas, parole qui est rapportée par Al-Bayhaqi et d'autres encore. Yaqul Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, yaqul Ibn Abbas fi qawmin yaktubun abajad wa yanzuruna fi nujum, yaqul ma ara min fi'li dhalik lahu inda Allahi min khalaq, wa ma ara man fa'ala na'am, ma ara man fa'ala dhalika lahu inda Allahi min khalaq. C'est-à-dire, il nous dit Ibn Abbas, à propos des gens qui transcrivaient ce qu'on appelle donc Abajat, et qui sont tout simplement de ce que l'on écrivait, ou des lettres que l'on écrivait pour faire les différences entre les différentes Jumal, c'est-à-dire entre les phrases. Mais eux, bien entendu, dans le sens où ils prenaient ces lettres-là, et ils regardaient ensuite An-Nujum, et donc ils faisaient une relation entre elles, pour tout simplement donc ensuite prétendre l'avenir. Et il nous dit donc, je ne pense pas que celui qui fait cela possède une part auprès d'Allah. Là où عند الله من خلاق, c'est-à-dire من نصيب. Et donc on va comprendre à partir de là qu'il ne rentre pas dans le paradis, qu'il n'a pas une part du paradis. Et à partir de là, on comprend de la parole de Abbas que c'est un kafir, que celui qui fait cela, c'est un kafir. Celui donc qui va à partir donc de Nujum lire l'avenir cette personne-là n'est pas considérée comme un musulman, bel ou kafir, bel ou kafir. Fahada hukm at-tanjim wal-munajjim. On va s'arrêter ici, inshallah ta'ala, et ensuite pour la prochaine question, al-istisqa bil-anwa. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.